Bonjour, aujourd'hui je vous parle de la parole de Dieu, la Sainte Bible. De tout temps, il y a eu des hommes pour mal utiliser la Bible, ce qui fait que beaucoup de gens aujourd'hui ont peur de la Bible. Mais la Bible, c'est comme l'électricité, hein? On peut s'en servir pour ranimer un cardiaque ou on peut s'en servir pour l'électrocuter, hein? En fait, avec la même Bible, on peut donner la vie ou on peut donner la mort. Il n'y a que deux façons d'interpréter la Bible, soit comme un fanatique bigot et étroit d'esprit, ou en personne raisonnable, intelligente, avec sincérité et avec foi. Et je vous dis d'avance que si vous n'avez pas ces dernières choses, ne la lisez même pas, ne l'ouvrez même pas. Vous n'allez rien y comprendre, ou vous allez la comprendre toute à l'envers, et ce sera pour votre propre malheur. La vérité, c'est que la Sainte Bible n'est ni meilleure ni pire que l'homme qui vous l'enseigne. Ce n'est pas de la Bible dont il faut se méfier, mais de la personne qui vous l'enseigne. Jésus-Christ, qui était bon, et les pharisiens qui l'avaient fait crucifier, eh bien, lisaient exactement la même Bible. Réalisez-vous ça. Jésus a dit « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. » La Sainte Bible, quand elle est bien utilisée, est l'outil le plus utile et le plus efficace pour éclairer, consoler et guérir les âmes des hommes. Tous les psychologues devraient en avoir une dans leur tiroir de bureau. Alors, si vous avez un cœur honnête envers Dieu, faites-en la lecture sans crainte. La lecture de la parole de Dieu va devenir le pain quotidien de votre âme. La Sainte Bible est un héritage que Dieu a légué aux hommes. Un authentique don du ciel. Abraham Lincoln a dit « Le plus grand cadeau qui ait été fait à l'humanité, c'est la Bible. » Lisez les Saintes Écritures quotidiennement, puis vous allez voir votre vie spirituelle s'enrichir rapidement. La Sainte Bible vous aide à connaître Dieu et vous aide également à vous connaître vous-même. La sagesse des enseignements qu'elle contient sont d'une valeur inestimable. Les promesses de Dieu donnent une merveilleuse espérance à toute la vie. Blaise Pascal a écrit « L'Écriture est pourvue de passages pour consoler toutes les conditions. » Il y a juste un hic. Si vous essayez de lire la Bible sans recevoir en vous celui qui l'a inspiré, vous n'allez rien y comprendre et ça ne vous portera à rien du tout de bien. Jésus a dit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Faites les choses comme Dieu veut que vous les fassiez et il va bien s'occuper de vous conduire dans les Écritures saintes. Moi, ça fait 41 ans que j'ai donné ma vie au Christ et que je lis la Bible. Et je ne pourrais pas imaginer ma vie sans ce livre magnifique qui me donne la pensée de Dieu sur tous les sujets et toutes les circonstances de ma vie. Si ce message vous a touché et que vous voulez ce que nous avons, fermez les yeux et priez avec moi. « Mon Dieu, j'avoue que je suis un pécheur, et qu'en bien des domaines, je ne connais pas ta volonté. Je t'offense sûrement chaque jour sans le savoir. Mais je veux connaître tes paroles afin d'hériter la bénédiction. J'accepte aujourd'hui Jésus-Christ comme sauveur et maître, et je veux me mettre à son école et recevoir de lui les paroles qui donnent la vie. Amen. » Alors je vous encourage tous à vous procurer une Bible et à retourner à l'Église. Si vous avez des questions, mon adresse courriel est jocelyn041@hotmail.fr. Alors je vous dis à la prochaine. Gardez la foi et la foi vous gardera.